وَأَجْمَعُ مَا قِيلَ فِي مَعْنَاهُ. Et As-Samad, la plus complète des définitions qui fut citée à son sujet, أي الكامل في صفته السيد الذي يصمد إليه الخلائق ويفتقر إليه. C'est-à-dire, c'est celui qui détient les qualités, les attributs les plus parfaits. Et c'est celui, le maître, celui vers qui se tourne et dont a besoin toute la création. وَنَذِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى est comparable, et est comparable à cela, la parole d'Allah Azza wa Jal, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cherche refuge auprès du Seigneur des êtres humains, le roi et le souverain des êtres humains, la divinité des êtres humains. فالله سبحانه وتعالى هو رب الناس وغيرهم من المخلوقات. الله سبحانه وتعالى est donc le seigneur des êtres humains et d'autres parmi la création. وهو رب الجن والملائكة. Et c'est donc le seigneur des anges et des djinns. وهو رب السماوات والأرض. Et c'est le seigneur des cieux et de la terre. وهو رب الشمس والقمر ورب كل شيء. Et c'est le seigneur du soleil et de la lune, et c'est le seigneur de toutes choses. وجاء عن سهيل ابن ابي صالح كما في صحيح الامام مسلم عليه رحمه الله. Et il est venu dans le recueil authentique de l'imam Muslim que سهيل ابن ابي صالح a dit: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يتجع على شقه الأيمن. أبو صالح avait l'habitude d'ordonner à l'un d'entre nous, lorsqu'il voulait dormir, de se coucher sur son côté droit et de dire: اللهم رب كل رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ. Et de dire: ô Seigneur, toi le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur de l'immense arche, trône, notre Seigneur est le Seigneur de toutes choses. فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى, celui qui fend le noyau et la graine. مُنْزِلَ التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ, celui qui a fait descendre la Torah ainsi que les évangiles, ainsi que le discernement, c'est-à-dire le Coran. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de toutes choses dont tu saisis le toupet. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. Ô mon Seigneur, tu es le premier sans début. Et il n'y a personne avant toi. Wa anta al-akhir fa laysa ba'daka shay'un. Et tu es le dernier et il n'y a personne après toi. Wa anta adh-dhahir fa laysa fawqaka shay'un. Et tu es celui qui prédomine et il n'y a personne au-dessus de toi. Wa anta al-batin fa laysa dunaka shay'un. Et tu es le plus proche, c'est-à-dire d'une manière intérieure. Et il n'y a rien de plus proche que toi. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. Acquitte-nous de nos dettes et enrichis-nous face à la pauvreté. وكان أبو صالح يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc cette tradition, Abu Salih l'a rapportée de Abu Huraira, qui lui-même l'a rapportée du prophète عليه الصلاة والسلام. كل ذلك بيانا على أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى. Et tout cela pour expliquer et pour affirmer qu'appartient à Allah Azza wa Jal les plus beaux noms ainsi que les plus élevés des attributs. وهو القائل. Et c'est Allah Azza wa Jal qui dit aussi: الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Allah, le Créateur, celui qui fait commencer toutes choses, le formateur. Certes, à lui, c'est-à-dire à Allah, appartient les noms et les attributs, les plus beaux noms. Certes, à Allah appartient les plus beaux noms. وَهُوَ الْقَائِلُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et il dit aussi, selon une traduction approximative, et c'est à Allah qu'appartient le qualificatif suprême. نعم فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن بريدة رضي الله عنه لما سمع أن رجلا قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Et donc dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a entendu un homme invoquer Allah Azza wa Jal par la sourate Al-Ikhlas a certes dit, il a certes invoqué son Seigneur par le meilleur de ses noms, que celui qui l'invoque avec, certes, sera exaucé ses doigts et lui sera répondu. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq al-khallaq. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Créateur, le grand Créateur. ويقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et je n'ai pas créé les djinns et les hommes إلا ليعبدون. Si ce n'est ليعبدون. واختلف أهل العلم في معنى ليعبدون. Et les gens de science se sont divisés ou ont divergé sur le sens du mot ليعبدون. فمنهم من قال ليوحدون. Et certains parmi les gens de science ont dit que ce mot veut dire pour qu'il m'unifie. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'il m'unifie. ومنهم من قال ليعرفوني. Et parmi les gens de science, il y en a qui ont dit que cela signifie, c'est-à-dire Allah a créé les djinns et les hommes pour qu'ils apprennent à le connaître. ومنهم من قال ليبتليهم أيهم أحسن عملا. Et parmi eux, parmi les gens de science, il y en a qui ont dit que le but visé de cette parole est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour les éprouver et voir qui d'entre eux est le meilleur en œuvre. وهذا القول الأخير هو أرجح الأقوال كما ذكر ذلك الإمام القدوة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان. Et la dernière parole est l'avis le plus plausible, comme l'a évoqué l'imam Ash-Shinqiti dans son livre Adwa al-Bayan. Naam. Wa hadha al-qawl tadullu alayhi ayatun muhkamatun fi min kitabillahi 'azza wa jalla. Et cette dernière parole est appuyée par des versets du livre d'Allah 'azza wa jalla, des versets qui sont clairs. Ka qawlihi ta'ala هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, alors que son trône était sur l'eau, afin de vous éprouver et de voir qui d'entre vous est le meilleur en œuvre. وهو القائل. Et c'est lui qui dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver et voir de qui d'entre vous est le meilleur en œuvre. Wa huwa al-qa'il. Et c'est lui qui dit encore inna ja'alna 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Et nous avons fait de ce qu'il y a sur la terre un embellissement afin d'éprouver et de voir qui de eux sont les meilleurs en œuvre. فهذه تصريح من الله عز وجل على أن حكمة خلقه للخلق هو ابتلاهم أيهم أحسن عملا. Et donc, il y a en cela une explication claire de la part d'Allah Azza wa Jal, prouvant que la sagesse dans le but de la création n'est autre que le fait de les mettre à l'épreuve et de distinguer de par cela qui est le meilleur en œuvre. Na'am, wa ahsanu ma yufassiru al-Qur'an nafsuh. Et la meilleure explication faite du Qur'an n'est autre que le Qur'an lui-même. Ala wa inna min afdal al-a'mal. بل هي أفضلها إطلاقاً توحيد الله عز وجل. Et la meilleure des œuvres, d'une manière globale, n'est autre que l'unicité d'Allah عز وجل. وجاء عند الإمام ابن حبان عن أبي سعيد الخدري. Et il est venu, il a été rapporté dans le recueil de l'imam ibn Hibban, d'après un hadith de Abi Sa'id al-Khudri, que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به. Que le prophète Moussa a demandé à Allah Azza wa Jal et a dit: ô Seigneur, enseigne-moi une chose par laquelle je t'évoquerai et je t'invoquerai. فقال الله عز وجل لموسى. Et Allah a répondu à Moussa et lui a dit: قل يا موسى لا اله الا الله. Dis ô Moussa: La ilaha illallah. Et Moussa a dit alors: Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Ô mon Seigneur, tous tes serviteurs disent la même chose. Faqala Allah azza wa jal: Ya Moussa, law anna as-samawati as-sab' wa 'amirahunna ghayri wal aradina as-sab' fi kiffa. Si les cieux et la terre, si les cieux avec ses habitants à mon exception, ainsi que les sept terres se trouvaient sur le plateau d'une balance. Wa la ilaha illallah fi kiffa malat bihinna la ilaha illallah. Et si la parole la ilaha illallah se trouvait sur l'autre plateau, alors la parole la ilaha illallah l'aurait emporté sur l'autre plateau. Naam. Fa ya ayyuhal muslimoun, عليكم بالتوحيد الله عز وجل وتحقيقه فإنه أفضل الأعمال وأحسنه. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاء عند الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث معاوية. Et il est venu dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari عليه رحمة الله d'après un hadith de معاوية que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut un quelconque bien, il lui enseigne la religion. وفهم من ذلك أن من أفضل الأعمال إطلاقا بعد التوحيد والسنة طلب العلم الشرعي. Et on comprend de ce hadith que parmi les meilleures des œuvres après l'unicité d'Allah et la sunna, le fait de rechercher la science. Le fait de rechercher la science. وجاء عند الإمام أبي داود في سننه عن أبي درداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Et il est venu dans le recueil de l'imam Abu Daoud, d'après un hadith de Abu Darda, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Al-ulama'u warathatul anbiya. les savants ne sont autres que les héritiers des prophètes. Wal hadith sahih li ghayrih. Et c'est un hadith authentique. Naam. Wa qad qala Allah azza wa jall. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: "Innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-'ulama'". Et certes, ne craignent Allah parmi ses serviteurs que les savants. Wa qala fi surat al-bayyinah: "Ulaika hum khayrul bariyah". Ila an qala: "Dhalika liman khashiya rabbah". Et dans surat al-bayyinah, il dit: "Ceux-là sont les meilleurs de la création", jusqu'à la parole où il dit: et certes, cela, c'est-à-dire le Jannah, le paradis, est réservé pour celui qui le craint. Istanbata min dhalika al-allama al-imam ibn Jama'a al-Kinani kama fi kitabihi tadhkiratu as-sami' wal-mutakallim fi adabi al-alim wal-muta'allim. Istanbata min dhalika faqala al-imam ibn Jama'a, après avoir médité sur ces versets que on vient de citer, a dit: iqtadati al-ayatan, iqtadati al-ayatan anna al-ulama hum alladhina yakhshawna Allah 'azza wa jall wa anna alladhina yakhshawna Allah hum khayrul bariyya fa yantiju min dhalika anna al-ulama hum khayrul bariyya. Et donc, cet imam a conclu, de par ces versets, que les savants sont ceux qui craignent réellement Allah Azza wa Jal. Et ceux qui craignent réellement Allah Azza wa Jal sont les meilleurs de la création. Donc, par conséquent, les savants sont les meilleurs de la création. Wa limithli hadha al-fadl, ou limithli hadhihi al-fada'il, kanat al-arab taftakhiru. Et c'est pour ce genre de bienfaits et de mérites que les Arabes, au temps ancien, avaient l'habitude de se vanter. وَكَانَ حَقًّا لَهُمْ أَنْ يَفْتَخِرُوا مَا كَانَ الْعِلْمُ مَقْرُونًا بِالْعَمَلِ. Et ils avaient un droit de s'en vanter du moment que la science était accompagnée de pratiques. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ الْجَبَلُ الْحَافِظُ إِمَامُ الْحُجَّةُ سُفْيَانَ الثَّوْرِي عليه رحمة الله. Et c'est pourquoi Sufyan al-Thawri, le grand imam, a dit, قال لرجل من العرب, a dit à une personne parmi les Arabes, ويحكم اطلب العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتدلوا. Malheur à vous, apprenez la science, car je crains que la science ne sorte de votre terre pour aller vers une autre terre, et vous serez ainsi humiliés. اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. Recherchez la science, car ceci est une honorabilité dans ce bas monde et une honorabilité dans l'au-delà. وكان إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقول الإمام d'Ahl السنة والجماعة l'imam Ahmed ibn Hanbal avait pour habitude de dire: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. La science n'a pas d'équivaut pour celui qui a une bonne intention. قيل وما صلح النية. Et on lui a dit: et quel est celui qui a une bonne intention? قال من ينوي أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. Et il a dit: c'est celui qui a pour intention d'enlever son ignorance et de l'enlever aux autres. نعم يا عباد الله. فجدير بأن نعتني بالعلم النافع. Donc c'est un sujet important que l'on doit prendre en considération, la science utile. نعم. فقد قال الحسن البصري. Et الحسن البصري il a dit: كن عالما, soit un savant, أو متعلما, ou un apprenti, أو محبا. Et si toutefois tu ne peux pas, soit quelqu'un qui aime la science, ou muttabi'an, ou quelqu'un qui suit la science. Wala takunu al-khamis fatuhlak, et ne sois pas le cinquième, car sinon tu iras à ta perte. Faqala Faqila, man il khamis? Et on lui a dit, quel est le cinquième? Qala al-mubtadi'. Qala al-mubtadi'. Na'am ya ibadallah. Fahada mudhakaratun li fadli al-ilm. Wa fadli al-ilm aktharu min an tuhsa. Wa hilaq al-ilm yanbaghi lana an nahfaz alayh haythu ma kanat. Et ceci est un bref rappel sur les bienfaits de la science, et que les assemblées de science, il nous est impératif et nécessaire qu'on y assiste. Fa hudur hilaq al-ilm la yakhsar al-wahid minna. Et le fait d'assister à une assemblée de science, personne ne le regrette. Kama jaa min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu an Allah subhanahu wa ta'ala ghafara liman hadara hilaq al-ilm wa qala al-mala'ika. Et comme c'est venu d'un hadith d'Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a évoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné pour ceux qui assistent aux assemblées où est évoqué le nom d'Allah azza wa jal. Et les anges ont dit alors, ya Rab, inna fihim fulanun abdun khatta. Il y a parmi eux un tel. Abdun khatta, c'est un pécheur. Innama marra bihim fajalas ma'ahum. Il ne passait par là que par hasard. Et il s'est assis avec eux. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala wa lahu ghafartu. Et pour lui aussi, je lui pardonne ses péchés. Humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. La yashqa bihim jalisuhum. Car ceux-ci, ceux qui se trouvent quotidiennement dans les assemblées de science, sont un peuple que personne ne se trouve malheureux en les fréquentant. فنعم يا عباد الله والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والله يعلم حيث يجعل رسالته وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك